Le comité central de l'Union des femmes du Laos a fait parvenir un présent au maréchal Kim Jong-un. Ila Wan Kewumbumpan, membre du comité central du Parti populaire révolutionnaire Laon et présidente du comité central de l'Union des femmes qui conduit la délégation de l'Union en visite en Corée, l'a transmis le 9 courant à Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême.